Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rock for Show. Bonsoir Tom. Bombe nucléaire. Ça va mon cher Tom? Mieux. Ouais, il est en sueur. En fait, c'est parce qu'il pleut dehors, il a été sur son balcon et voilà. Hein? Ouais, j'aimerais dire ça. Non, on vous explique, parce qu'on est comme ça. Mais la 88ème émission, tu te rends compte? 8-8. 8-8, ça n'a pas de très bon pour moi, je pense. Et tu sais, en langage cibiste, à l'époque, hein, genre, quand j'étais jeune, je faisais de la civi. Un 88, c'est ce que c'est? Non, mais tu aimes bien. C'est les bisous! Alors c'est l'émission bisous. Vous allez voir, vous avez préparé une émission spéciale amour, hein, poésie, tout. Amour, gloire et beauté. Vous allez voir, c'est de la musique pour danser, blotti contre votre nana ou votre mec, hein, ça dépend. Bah, c'était pas l'amour fou à 2 minutes avant de prendre l'émission, parce que je croyais que tu disais on va pas pouvoir. Ouais, il pensait que le PC n'allait pas pouvoir redémarrer et il était en train de pédaler. C'est pas qu'il était pas redémarré, c'est il avait mis le cric sous le PC. Je peux plus redémarrer le PC, c'est mort, il reste 2 minutes. Mais par contre, la machine est pas en live et je sais pas où elle va. Bon, allez. Donc, on a commencé. Normalement, on est là. On peut partir un jour. On a commencé quand même bien. Donc ça va. Ce soir, nous recevons le groupe Phasm ou Phasm, hein, pour si on le prononce à l'anglaise. On est en phase alors. Mais c'est un groupe français, voilà, qui nous vient de Nancy et on va avoir Pierrick au téléphone tout à l'heure et on parlera du dernier album qui est sorti en 2016. Et puis surtout d'une date parisienne, hein, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus à Paris. Et donc on va parler de cette petite date et puis de plein de petites bonnes choses avec Pierrick. Pour l'instant, ce que vous avez entendu en ouverture d'émission, ça nous permet de saluer notre diffuseur. Radio Biz. Radio Biz. Radio Québec.biz. Eric. Qui n'a pas répondu au téléphone parce que j'ai voulu essayer de le prévenir. J'ai dit, est-ce que tu peux décaler un peu? C'est pas grave, il doit Eric, réponds au téléphone, merde. Ouais. Et on salue Hugo aussi qui est toujours là parce qu'il nous a dit bon jeudi, yes sir, machin. Donc voilà, Hugo, on t'a salué. C'est terminé, on ne parle plus de toi pendant toute l'émission. Ça suffit maintenant. Hein. Et puis la semaine dernière, du coup, on n'a pas rencontré de grand succès, hein, quand on a demandé des photos de filles pour gagner des places de concert. Et Hugo était là, il fait Hugo des photos de filles. Il voulait des photos de filles. Bah, il n'a pas eu. Enfin, celles qu'on a, on les garde pour nous si tu veux. On va refaire des concours ce soir. Alors, il faudra des photos de parties de filles. Hein, comme ça, on essaiera à la fin, si vous nous envoyez une main, un pied, un œil, on essaiera de faire une fille en entier pour envoyer à Hugo. Tant que c'est pas des parties fines, ça va. Allez, on a commencé cette émission donc avec un groupe canadien qui s'appelle Woodhawk, qui fleure bon le stoner, les années 70 et tout, c'est vraiment excellent. Ça plaira certainement aux fans de Thin Lizzy, Black Sabbath, toute cette clique-là. Red Fang aussi, donc pour ceux qui sont un peu plus jeunes. Le morceau que je vous ai passé, ça s'appelle The High Priest, tiré de leur album Beyond the Sun, qui est sorti le 7 avril. C'est leur premier album, il fait 9 titres, et ils nous viennent de Calgary. Vous savez là où il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver? Ben c'est un trio de rock qui s'est formé en 2014, si mes souvenirs sont bons. Yes, sir. Je voilà. Confirme. Et puis, ça plaît aussi aux amateurs de Clutch, Sword, tous ces gens-là. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ils sont en tournée, très oui, cher. Oui, tournée canadienne. Bah tiens, justement, tu peux peut-être nous en toucher deux. Vagabond of the Western Gig Tour. Et ça commence ce soir. Ouais. Ce soir, ils sont à Vancouver. Couvre-toi bien du vent. Voilà. Demain, ils seront à Nanaimo. Nanaimo, ouais. Nanaimo, je connais pas. Victoria. C'est... Ouais. Ensuite, le 6 à Victoria. Le 7 à Kelowna. Voilà. Le 8 à Edmonton. Et puis le 9 Saskatoon. D'accord. Tum. Alors là, on vous donne toutes les dates au Canada, là, hein, les Canadiens, c'est pour vous, hein. Parce que nous, ils viennent pas en France. Parce que nous, on a cherché quand même des dates, hein, pour le groupe, et j'ai dit, allez, on a plein de choses à annoncer. Et le 13 mai, ils seront à Ferny. Non, mais t'as pas dit le 10. Ah, mais le 10, ils seront à Winnipeg. Winnipeg. Hein, à Winnipeg. J'aime bien cette ville, moi. Moi aussi, j'aime bien ce nom. Enfin, c'est le nom. Le 11 à Regina. Comme le 12 à Calgary, dans leur ville d'origine, bien évidemment. Leur ville natale. Et ils seront à Ferny le 13. C'est ça? Hein? Ouais. C'est cool. Ah, c'est cool, ouais, comme la. Je sais pas si ça passe dans le micro, si on vient d'entendre. Si, je pense, il y a un cirque. Il y a un cirque en bas. À côté du studio. Voilà. C'est le cirque dans le Roquefort Show. C'est la grande caravane du cirque Roquefort Show. Ici, en région parisienne, c'est très rock'n'roll aujourd'hui. Voilà. Et bah oui, parce qu'il y avait eu des problèmes de RER. Enfin, bref, voilà, on vous passe les détails. Et en plus, il pleut. Donc ouais, on est voilà. Content parce que les escargots sont sortis, les champignons sont sortis. Tout nu, tout mouillé. Bah, ça, c'est tout à nous. M'a accompagné, tout, c'était bien. Non, mais c'était bien. Et ce que vous entendez en fond sonore, ça s'appelle The Butcher's Rodeo, tiré de leur album sorti en 2016 chez Atom. Et ils seront en concert surtout au Bateau Phare à Paris le 15 mai. Avec Super Tanker et Showtime. Donc si vous voulez gagner des places, vous nous appelez, enfin nous envoyez un petit texto au 06 81 01 28 34 en nous envoyant donc une partie de femme, une photo d'une partie de votre copine. Ou de, ça peut être vous aussi, hein, parce qu'on n'est pas. Hein, Hugo, il t'aime bien les poils, Hugo. Vous nous envoyez une partie hein, au 06 81 01 28 34. Donc vous prenez une photo. Ça peut être votre grand-mère aussi, ça peut être votre mère, ça peut être votre chien, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, une partie, on va dire. Comment on appelle ça? Oh, je sais pas. Ah, on verra. Bon, allez. Juste un doigt. Juste un doigt. Ah non, arrête. Je sais ce qu'ils vont nous envoyer si on leur demande juste un doigt. Et puis, on va prendre un whisky quand même avant. Hein. Non bon. Ah, bah, c'est ce que je voulais dire, moi, juste un doigt. On va commencer avec un autre. On va continuer avec un autre groupe canadien qui s'appelle, alors celui-là il est très connu, il s'appelle Aram Skarem, qui nous a sorti un nouvel album qui s'appelle United et sorti chez Frontiers. Ça sort le 12, c'est quand? C'est la semaine prochaine? Ouais, la semaine prochaine. Ouais. Hein, le 15. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Sinking Ship, c'est leur single. Hein. C'est le 16e album du groupe. C'est le 16e album studio, bien entendu. Le groupe s'est arrêté depuis 5 années, ils étaient en stand-by. Et puis ils arrivent avec ce 11 titres là. Ils nous viennent de Toronto. Et ils fêtent leurs 30 ans. Oui, 30 ans, oui, exact. Puisque le groupe s'est formé en 1987 et c'est un quatuor de hard rock mélodique. Alors prenez-en bien de la mélodie maintenant, parce que après, vous allez voir, ça va défourailler, mais grave. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission un peu brutale, et ben ça, voilà, ça, c'est parti avec God Dethroned. Ça tombe bien, les voisins sont en vacances. Ouais, c'est bien. God Dethroned, tiré de l'album The World Ablaze, qui sortira demain chez Metal Blade, et le titre que l'on va écouter, Monsieur Tom, s'appelle Messina Wads. Ridge. Ouais, Ridge. Ah oui, comme les ponts Ridge. Voilà. Non, c'est Bridge. Comme tes dents, c'est le mot. C'est le 10e album du groupe, il fait 10 titres, alors ça tombe bien, hein, 10 sur 10. Ils nous viennent du Pays-Bas, de Assen, de la Hollande, donc hein, l'autre pays. Je croyais dire le PMFF. Non, pourquoi? Non, Pays-Bas, mmh. Assen. C'est un quatuor de death metal formé en 1990. Et par contre, il n'y a pas de date pour des concerts en France, parce que là, j'ai cherché quand même des... T'as pas pris de date là-bas, aux Pays-Bas, toi? Non, j'ai pas pris de date. Adam, il joue pas Adam. Non. Dans le quartier rouge, avec les dames. Non, mais j'ai pas vu encore de date d'annoncer. Donc voilà, il y en a sûrement en D'accord. Allemagne. Hein. On enchaînera ensuite avec Livsyn, le nom vous dit peut-être rien, puisque c'est le premier album du groupe. Le groupe s'est formé en 2000... Je sais plus combien. Je sais plus. 2017. Ils sont formés en 2017. Et ça a été formé par le chanteur, c'est là que ça va vous dire quelque chose, de Sister Sin, Liv Jagrel. Alors si Jagrel, il va falloir sortir couvert. Voilà, il fallait que la faire, hein, celle-là. Le titre que l'on écoute ce soir de Liv Sin s'appelle... Follow Me. Non. The Fall. Voilà. Et le titre de l'album... Mais si tu me surprends pas, en même temps. Ah, Follow Me, du coup. Voilà, bien. Suis-moi, je te suis. Sorti chez Despots Records le 28 avril dernier. C'est le premier album, il fait 11 titres. Mais le truc que je trouve quand même pas, ils sont formés en 2017 et il y a déjà un album. Oui. Oui, bah oui, parce que le groupe, en fait, s'était séparé, le groupe Sister Sin s'est séparé il n'y a pas très longtemps, et puis je pense qu'il avait déjà des projets solo, le monsieur, le chanteur. Ça a été produit par Stefan Kaufmann, du groupe Accept, Udo, en particulier. Et c'est un groupe, donc c'est un quintet, ils font du power glam rock. Ouais, ça va défourailler sec, ça. J'aime bien, c'est très très bien produit. Ils nous viennent de Suède, de Göteborg. Nous continuerons avec des Français qui seront en concert... demain soir, le groupe s'appelle Ultra Vomit. Et nous allons prendre le train fantôme. C'était un peu ça ce matin, le train fantôme, parce qu'il n'y avait pas de train. Hein. Donc vous écoutez bien les paroles, ça c'est drôle. Sorti de leur dernier album qui s'appelle Panzer Surprise, sorti chez V-Record le 28 avril dernier. C'est le troisième album du groupe, il fait 22 titres. Il était temps qu'ils nous sortent un album après 9 années sans rien avoir sorti. Bande de feignasses. C'est du grindcore à tendance comique. C'est un quintet, ils se sont formés en 99 et ils nous viennent de Nantes, bien entendu. Donc demain soir, ils seront à l'Alhambra avec les Furies, mais ils seront également à Trappes dans le 78, donc à côté de Paris, le 21 mai au festival qui s'appelle Food Rock Festival. On vous laisse en musique. T'as 30 secondes, on peut annoncer 06 80 01 28 34. On attend vos photos de ce que vous voulez. Voilà. Ouais, voilà, voilà. On veut faire une reconstitution de personnes. Ouais, prenez-nous quelque chose de drôle en photo, vous nous l'envoyez, on vous donne des places de concert. Alors, plus c'est drôle, plus c'est drôle. Voilà, plus c'est drôle et plus c'est drôle. Et puis nous, on va plus il y a de la musique, et ben plus on en écoute. Allez, à Reims, tabernacle. 06 80 01 28 34. Until the end. Ouvre votre les enfants. Tenez, allez vous asseoir à côté du monsieur là-bas tout seul. Lutin fantôme. C'est au son du rock'n'roll de The Defibrillator que nous reprenons l'antenne dans le Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Nous avons donc entendu Arms Karem, suivi de God Defrond. On a enchaîné avec Liv Sin et on vient de terminer avec Ultra Vomit, le train fantôme, le train fantôme, le train fantôme, oui, oui, oui, tiré donc de leur album Panzer Surprise. Et ils sont, on vous le rappelle, en concert demain soir avec les Furies à l'Alhambra. Et nous avons des places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34. On vous l'a dit tout à l'heure, il faut nous envoyer une photo d'une partie de votre corps. Mais pas de vos corps aux pieds, attention, hein. Et donc les Défibrillators seront en concert, eux, en release party en fait. Ça va être bientôt, puisque ça sera, je sais plus quand, attendez, je vais retrouver tout ça, ça sera le... Bah déjà, je vais vous dire que l'album est sorti le 1er avril. C'est le 6 mai, c'est-à-dire samedi. C'est samedi, c'est donc dans deux jours. C'est le Dr. Figul des Halles. Ah bah voilà, donc c'est la... Et voilà. C'est une release party à partir de 20h, donc concert ou pas concert. Ouais, je pense qu'il y a un concert. Il y a un concert parce qu'ils sont annoncés avec The Wild. Voilà, et leur album s'appelle Electric Fist. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit. Et ben il est l'heure, il est temps de retrouver Phasm. Pour savoir déjà, on va voir si notre ami Pierrick est au téléphone. Pierrick, est-ce que tu m'entends? Je suis là, salut les gars, vous avez l'air en forme, hein. Ouais, toujours, tu sais, hein. Ouais. Le soleil qui n'est pas à l'extérieur, nous l'avons ici dans le cœur. Alors, moi j'étais passé un petit peu à travers de ce dernier album de Phasm, puisque... Si t'étais passé à travers quoi de ça? J'étais passé complètement, mais complètement à travers, parce que j'étais persuadé que la maison de disques Osmose Productions n'existait plus. Et puis... C'est fort quand même. Ah ouais, c'est très fort, c'est très très fort. Attends, ne pas savoir que Osmose Productions existe encore, avec bah ouais. Ce qu'ils sortent comme pépites. Mais oui, mais ils sortent des pépites, mais alors du coup ce soir on va en passer des pépites, ouais, tu mais vois. Qu'est-ce que t'écoutes toi? T'écoutes pas trop de musique extrême ou de trucs comme si. Ça, c'est possible. Si. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que je recevais plus de news, je recevais plus rien, parce que bah, tu sais qu'on s'est fait virer de l'ancien diffuseur qu'on avait. Et ils ont gardé notre ancienne adresse mail, et du coup je ne recevais plus aucun mail. Alors je me suis dit, bah si je reçois plus de mails, c'est peut-être que bah ils n'existent plus. Ouais. Et comme tu t'es pas penché plus là-dessus, bah non, puisqu'on recevait du coup, énormément de choses. T'as tout un catalogue, une discographie à rattraper là, parce exactement, il y a des trucs qui déchirent. Donc pendant un an on va faire que du Osmose. Ouais, mais j'ai vu avec Hervé, il t'a remis dans la liste, donc tu vas recevoir tout ça. Ouais, j'ai reçu pas mal de choses, donc on va en passer un petit peu ce soir, on va rattraper un petit peu le retard, du moins du mois d'avril et du mois de mai. Et puis, ben, on commence avec Phasm, puisque un album est sorti en 2016 qui s'appelle Scornful of Icons. Et exact. Ma foi, je me suis un petit peu délecté hier toute la journée en l'écoutant. Alors c'est un album beaucoup plus death que Enroll, hein, comme tu m'en avais touché deux mots via notre conversation par le réseau social adéquat. Mais ma foi, je me suis, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup aimé les vocaux. Et j'ai trouvé que toutes les sections mélodiques guitare rentraient bien dedans. Et ma foi, c'est un album qui s'écoute avec chaleur. Surtout avec ce qu'il a... aimé alors. Oui, j'ai bien aimé. Et ouais, j'ai choisi deux titres à diffuser ce soir, puisque c'est un funner. Et puis surtout, je me suis remis et je me suis rappelé la session live de Phasm. Je crois que c'était en 2008. Oui, c'était en quelle année? Parce qu'on en a reparlé, et puis je me souviens plus. C'était à l'époque d'Antebellum de Senorol. Oui. Parce qu'on avait des pistes sur le disque où on joue avec des guitares de bro et de l'harmonica, tout ça. On était venu taper ça en live chez vous à la radio. Ouais. Exact. Et c'était vraiment... Et alors, ça remonte à, je sais pas, 2004, 2005, un truc comme ça, il y a plus de 10 ans. Quoi. Ah oui, facile. Hein, facile. Mais en tout cas, c'est un souvenir qui restait dans les... Allez, on le dit, dans les annales. On avait des cheveux. Eh ouais, ouais, bah moi aussi j'en avais. Maintenant j'en ai plus, mais c'est pas grave. La musique, bah c'est pas avec les cheveux qu'on l'a fait, hein, de toute façon. Mais puis on l'écoute mieux sans les cheveux. Ça fait moins d'interférences, je pense. Ouais, mais tu sais, les gens ils écoutent avec les yeux, donc ça peut tout changer dans la carrière d'un groupe. Ouais, mais en tout cas. Motorhead, s'ils avaient du cheveux courts, on aurait dit que c'était du punk, tu vois. C'est le genre c'est de truc comme ça, donc. C'est pas faux. D'avoir le crâne rasé pour passer pour un facho aussi, ou genre de truc comme ça. Ouais, mais tu sais, avec Judas Priest, ça passe un petit peu mieux. Après, il y a eu pas mal de toute cette période où de toute façon tous les groupes ont perdu un petit peu leurs cheveux. Les mecs de Metallica, c'est pareil. Le jour où ils ont coupé leurs cheveux, tout le monde a crié au scandale. Et puis aujourd'hui, ben, on est habitué maintenant. Quand on les voit à la télé ou autre, voilà, ça passe. Et puis tous les jeunes d'aujourd'hui qui ne les ont connus qu'avec les cheveux courts, quand tu leur mets des cheveux longs, ils disent. Après, tu sais, je disais ça comme ça. Hein, je voulais pas faire un débat. Un débat sur les cheveux. Hein, c'est une connerie en passant. Là. En tout cas, donc ce nouvel album, on va en écouter un premier extrait avant de rentrer dans le vif du sujet et dans l'interview. On va écouter Oiling for You. Est-ce que tu peux nous toucher deux mots sur ce titre? Écoutez ça. Voilà, deux mots. C'est parti et on se retrouve tout de suite après pour l'interview. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Biz et du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Ah, j'espère que ce petit morceau de Phasme vous aura fait dresser le peu de cheveux qu'il vous reste sur la tête. Le morceau s'appelle Alling For You et c'est tiré de l'album Scornful of Icons qui est sorti le 25 mars 2016 chez Osmose Productions. Ah, très très bon album et un très très bon label pour tout ce qui est black metal, musique extrême et autres. C'est le quatrième. Rattrape-toi. Ouais. C'est le un label qui est là depuis des années et qui n'a jamais cessé d'exister. C'est le quatrième album de Phasme. Il contient 8 titres. Et comme je vous l'ai dit, c'est du death and roll. Mais vous allez voir, il est beaucoup plus death que and roll. Et puis voilà, le groupe s'est formé en 2003. Hein, si mes petites notes sont bonnes. Jordan à la batterie. Vous dire Jordan, bien évidemment. Et sur Jordan qui est Le batteur qui était dans. Alors attends parce que j'ai toutes mes notes à prendre. Il joue actuellement dans le groupe qu'on a passé la semaine dernière, mon cher, ce qui était Acroma. Il jouait sur le dernier album d'Acroma. Oui, mais là, oui, il joue sur le dernier album d'Acroma, mais avec en ce moment depuis un an avec qui tourne en ce moment. Ah ça je. Mec. Il était avec In Flames. Avec Megadeth, c'est le batteur. Ah ouais, exact. Non, c'était avec Soilwork qui joue. J'en profite pour me la péter. Quoi. Ouais, tu te fais un peu. Excuse-moi, mais tu te fais un peu sécher quand même. Mais c'est Pierrick. Tu te fais sécher. En même temps, c'est Pierrick. Hein, c'est Pierrick, donc je m'incline. Je m'incline devant un puits de science. On aura appris deux choses. Scoop. Cosmos Productions existe encore. Voilà. Le batteur de Megadeth, c'est le premier batteur de Phasme. Voilà, donc c'est quand même du lourd. Hein. Le groupe s'est formé, je l'ai dit. Hein. Mais l'avant-dernier album datait de 2008. Donc moi, pareil, je me suis dit, ça y est, Phasme, en même temps ouais. Cosmos, ils ont disparu. c'est vrai. On a mis le groupe... On a décidé d'arrêter, de s'occuper d'autre chose, quoi, tu vois. Oui, mais en même temps, tu n'as pas arrêté la musique. En fait, tu veux, nous, on a eu un parcours, à partir du moment où on est plus allé à l'école, on s'est laissé pousser les cheveux, on s'est fait des tatouages partout, et on a dit, on va faire que du métal. Et on a vécu quand même un sacré paquet d'années en faisant que ça, et en mettant tout ce qu'on avait là-dedans. Et à un moment donné, tu vois, le parcours classique, quoi, il faut soit faire un choix et dire, bon, ma vie, c'est ça, et peu importe le reste, soit je m'occupe un peu de me poser et de d'avoir un toit, une meuf, une famille, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, il faut mettre des choses en stand-by quand ça marche pas au point de pouvoir payer le loyer tous les mois, quoi, tu vois. Ouais, mais t'es pas resté sans rien faire. Comment ? Tu n'es pas resté sans rien faire, les musiciens sont pas restés sans rien faire. Vous avez continué la musique, non, mais vous avez fait des participations. Ça implique quand même... soit on le sait, soit on le sait pas. Après, on a fait d'autres choses, musicalement parlant, ça c'est sûr. On a déjà toujours été actifs, on a toujours fait des choses, mais des choses qui sont plus rentables, des choses qui permettent d'avancer, quoi, tu vois. Et puis voilà, après, à un moment donné, si tu veux, aussi, on était rincés, c'est ça. À l'époque, on tournait, il y avait de l'argent pour ça, c'était différent. On partait souvent en tourbus faire des choses. À l'étranger et du coup on enchaînait les disques et les tournées, donc c'était un autre rythme, tu vois, un autre univers. Tu dis ça, tu te dis ouais, un autre univers. Quand tu dis ça, tu te dis soit on continue, soit on marque un coup, quoi, tu vois, on arrête et puis on verra plus tard, quoi. Mais justement, parle-nous un petit peu de ce changement, parce que nous, on l'a vécu, mais ça a été... On a vu le gros changement qui s'est opéré avec la chute des ventes de disques, la chute des gens dans les magasins de disques, notamment ouais, nous, on était partenaires de Gilbert Joseph sur Paris, et on a vu toute cette chute, on a vu... moi, j'ai pas mal discuté avec le vendeur Gibouille, que l'on salue, JB, qui, lui, est resté vraiment... Il est toujours dans le magasin, il fait toujours son rayon métal, mais il m'a dit il a fallu qu'on organise autrement. Alors, autant au niveau des CD, ça a baissé, mais derrière, il y a eu une reprise au niveau des vinyles également. Est-ce que, justement, ce dernier album est sorti en vinyle ? Oui, il est sorti en vinyle, en deux versions. Il y a une version ivoire, une version noire, et la pochette, il y a des trucs un peu qui changent dessus. Mais bon, tu vois, oui, dans l'absolu, d'accord, le vinyle a repris, mais bon, c'est pas pour autant que t'en vends des centaines de milliers, quoi, tu vois. C'est ridicule, tu vois. c'est même si la vente de vinyle a progressé, ce qui peut pas être non plus un exploit, parce que vu que c'était vraiment proche du néant, il suffit que ça redevienne un petit peu à la mode pour que les gens disent « Ah putain, ça a repris grave ». Mais c'est pas pour autant que la vente de disques elle explose pour autant. Les plus gros vendeurs, ils font pas des scores comme ça pouvait être il y a 20 ans. Tu vois, c'est pas comparable. Mmh. Non, ça c'est on l'a bien vu effectivement. Mais par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que le support physique n'est pas complètement mort. Premièrement, parce qu'il y a des gens comme nous, des vieux de la vieille, qui aimons avoir quelque chose entre les mains plutôt que des fichiers dématérialisés comme on en reçoit. Parce que c'est ça aussi. Non, qui mais a carrément, changé. Carrément, c'est sûr. Non, mais après que le vinyle se vende en grosse quantité, ça je l'admets, hein, quand ce que je disais juste avant. Il y a tellement de groupes maintenant qui font des super packaging, qui sortent des putains de disques, je veux dire la qualité en ce moment. Moi je trouve que il y a une période dans le métal qui n'était pas aussi chouette que maintenant, quoi. Tu vois, aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont bien, et donc du coup qui se vendent des vinyles en quantité, ça c'est sûr, quoi. Avant il y avait moins de groupes. Mmh. Et c'était beaucoup plus compliqué, quoi, parce qu'il n'y avait pas de vinyle, il n'y avait pas de CD, tout le monde téléchargeait tout, il n'y avait pas vraiment iTunes, il y avait Napster et compagnie, ouais. On est passé par plein de phases, c'était un chaos total, la chute de l'industrie de la musique, quoi, tu vois. D'un seul coup, il n'y a plus d'argent du tout, quoi. Alors maintenant, ça remonte parce que les gens se sont organisés et qu'ils trouvent des façons de faire pour reconstruire, tu vois, une économie. Mais quand ça se casse la gueule, t'en as pour plusieurs années à plus savoir, à être complètement paumé et à te demander ce qui se passe, quoi, tu vois. Et justement, pour Phasm, comment ça s'est passé pour ce dernier album là, parce que maintenant ça fait un an. Super simplement, hein, on s'est retrouvés et puis on a remis la machine en route et on avait tout de suite le sentiment d'avoir un truc à faire, tu vois, une idée en tête, et les riffs sont arrivés comme ça, on a bossé, on s'est remis à faire des concerts. En fait, on nous a fait la proposition de jouer avec Entombed et de clôturer, en fait, comme si ça avait été, tu vois, vraiment le dernier concert, puis on n'en parle plus. Mmh. Le fait de faire ça, on s'est rendu compte que, ben non, en fait, on a ça en nous, on peut, et là, ça a besoin d'être exorcisé, quoi, tu vois, donc on a remis la machine en route comme ça, voilà. Vous êtes un peu les scorpions du death and roll. Ben non, ouais, en mode phase. Non, ça c'était le petit clin d'œil parce qu'on va reparler de Scorpion après. Vous allez voir dans le reste de l'émission, parce que la tournée d'adieu n'en finit pas. Les tournées d'adieu n'en finissent pas. Et on verra le groupe à nouveau en France. Parlons par contre de Phasm. Comment s'est fait l'orientation? Parce qu'il y a une évolution musicale qui s'est faite. On a beaucoup moins, comme je disais tout à l'heure en introduction, le côté rock'n'roll en fait sur cet album, le côté un petit peu avec des instruments différents. Comment avez-vous pris déjà cette orientation, et comment se sont organisées les compositions pour cet album là est-ce que tout est venu d'un coup, allez hop on se remet à bosser et tout est venu d'un coup, ou est-ce que c'est des choses que tu avais, ou que le groupe avait déjà mûri durant les années d'inactivité de Phasm pour construire quelque chose sur ce nouvel album? Putain, elle est longue ta question, mec. Je sais. Des fois j'ai mon technicien, ouais, il voudrait couper, mais vous pouvez répéter la question. Non, mais j'ai compris. Ouais. Non, mais je sais que t'es intelligent, donc tu as compris la question. Bien sûr. Parler de ça, ça fait déjà un petit moment, quoi, tu vois. Donc, si on réfléchit jamais trop à comment il faut faire les choses, quoi, tu vois, à un moment donné. Tu chopes des riffs comme ça qui flottent dans l'air, et puis tu les utilises, quoi. Tu sais pas vraiment d'où ça vient, et on s'est jamais forcé à avoir un côté end-roll quelconque, quoi. Tu vois, c'était notre façon d'être, de sonner. Le premier album qu'on a fait justement avec Dirk, dont on parlait tout à l'heure, il était très extrait, il était plus black que death, quoi, tu vois. Et il y avait déjà de toutes petites touches saupoudrées, tu vois, de end-roll qui est par-ci par-là. Et on s'est rendu compte de ça, et puis après on a continué à composer, ça s'est fait comme ça sur le tas, tu vois. On s'est pas dit, là il faut qu'on fasse un truc, genre un plan pour que mixer, tu vois. Ça marche pas, sinon on nous aurait reproché, j'imagine, d'être un copier-coller de style. Et le fait que c'est bien mixé comme ça, c'est quand ça vient naturellement. Et sur le dernier album, on s'est pas dit il faut qu'on fasse un truc and roll puisque on s'en fout quoi, tu vois. Et surtout que là l'ambiance de composition elle s'est faite à travers le deuil et le décès de mon père, donc on n'était pas forcément sur un terrain à faire du twist. Tu vois. Oui, bien sûr. On avait des choses à exprimer qui étaient plus sombres que ce qu'on avait fait dans le passé, où on prenait tout en dérision, on parlait de cannibalisme, de nécrophilie, choses comme ça, mais avec un second degré morbide, tu vois. Et là, c'était putain, du sérieux. Les mecs, ils se prennent même pas au sérieux. Donc, du coup, il y a un côté twist qui est plus là, quoi. Ouais. Non mais ce que je voulais dire en fait avec ce côté Death and Roll, c'était quand même, nous ce qui nous avait marqué, c'était quand même très original, c'était votre originalité à vous, c'était votre son, c'était votre marque de fabrique, votre patte, c'est-à-dire que quand on écoutait un titre, on savait tout de suite vers qui, ouais. qui passait. Donc c'était vraiment la marque de fabrique de Phasm. C'est pour ça, si tu veux, que j'en reviens souvent à cette partie de rock'n'roll en fait, qui venait émailler la musique de Phasm. Mais tu vois, là, vous avez passé à Howling For You. Je pense que sur ce titre-là, on sent qu'il y a quand même une façon de faire qui n'est pas ultra rigide. De toute façon, quand on joue de la gratte, on n'est pas juste guitariste de métal. On est tous musiciens dans le groupe, dans le sens large du terme. Quoi. On fait plein de trucs aussi. Donc, il y a forcément dans le son, j'imagine, une interprétation qui diffère du mec qui est pur et dur dans son style hardcore, tu vois, dans son truc et qui fait que ça, quoi, tu vois. On a une façon de faire qui est forcément imprégnée d'un certain groove, N-roll, je sais pas quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Et le fait d'avoir aussi participé à d'autres formations, à d'autres groupes, je suppose que ça a dû aussi influencer la façon d'écrire. Oui, c'est ça, voilà, hein, c'est exactement ça. Ouais. Et avoir une évolution complètement naturelle par rapport à ça. Ouais. Il y a eu du changement dans Phasm. Tu peux nous présenter le nouveau membre? Romain Buisson, ouais, qui joue. Ah non, alors oui, parce que quelles infos t'as, toi? Parce que ça change. À la base, ça a été un peu les chaises musicales les derniers temps. Ouais. Oui, ça a été un peu compliqué. Après, je sais pas si ça intéresse les gens, ça, hein, mais. Fabien, qui est à la base sur l'album, c'est le chanteur-guitariste de Willful, un excellent groupe que vous devez... D'ailleurs, Willful, tu verras, W-H-E-E-F-A-L-L. Checkez ça, ils vont sortir un disque bientôt, c'est de la pure tuerie, c'est enregistré au studio de La Forge, là où on a fait le phase aussi, et ça va être vraiment un truc à pas louper. Très bien. Donc lui, il était sur le disque et il avait ça à faire, justement, donc il nous a dit préférer se consacrer à son groupe plutôt que de tourner avec nous, parce qu'il ne pouvait pas faire 15 000 trucs. Et on l'a remplacé avec une personne que je nommerai pas, qui nous a mis dans une histoire pas possible, dont il n'est pas vraiment possible pour moi de donner les détails, parce que ça fait la justice ou des choses comme ça. Mmh. Donc il a fallu qu'on s'en sépare, parce que le mec a merdé dans sa vie privée. Et donc là, on l'a remplacé avec Romain Buisson, qui a fait... alors ça, c'était le truc assez rock'n'roll, c'est qu'on l'a embauché juste avant de faire une date au Zénith à Nancy, avec une envoie d'hommes et plein de Finlandais, en fait. Il y avait l'Ordi aussi, un genre de festival comme ça. Et sa première date, il l'a faite au Zénith de Nancy avec nous, en mode dernière minute, et ça s'est super bien passé. Voilà. Et donc c'est un mec qui travaille... un des profs de basse à la MAI et puis travaille aussi pour Guitar Extreme et Bassist Magazine. C'est un mec... Une pointure. Voilà, ouais. Hein, pas un manchot, quoi. On va parler de petites choses désagréables, parce que je l'ai appris là, tout à l'heure en t'appelant. Hein, le concert de Paris est annulé. Oui, voilà. Donc il y avait un concert au backstage qui était annoncé le 13 mai, mais qui est annulé, ouais... c'est notre guitariste qui a eu l'intelligence d'aller faire de l'escalade dans les Vosges alors qu'il peut et qui s'est pété l'épaule tout à l'heure. Voilà. Bon. Alors ça, on était vraiment... Hier, pour parler de ce concert, bah là, on n'en parlera pas parce qu'il n'y a pas de concert. Voilà, bah tant pis. Mais en tout cas, on vous tient au courant, chers auditeurs, pour les concerts à venir de Phasm qui passeraient... On joue le 27 juillet avec Morbid Angel à Nancy. Oui. Après, bon, ça se passe au Danemark, on s'en fout. Ah non, vas-y, annonce. Au festival Les Herbes Bruns, fin fin août, je sais plus où c'est, les Herbourins, je crois que c'est dans le nord. Oui, il me semble que c'est... Oui, il me semble que ça doit être dans le nord. De toute façon, on regardera ça. On va suivre maintenant que je sais que le groupe... Enfin, je savais que le groupe s'était plus ou moins reformé, étant donné que je voyais quand même quelques dates qui passaient par-ci, par-là. Mais je voulais profiter de cette date parisienne pour en faire la promo, et puis surtout pour renouer avec Osmose Productions. Ah voilà. Ouais, mais c'est con, ça m'aurait fait trop plaisir, la date avec Chaos DI, là... Ils ont sorti d'ailleurs, il y a Fabrice qui nous écoute là, je te salue Fabrice. Ils ont sorti un putain de Scud et tout chez Osmose aussi d'ailleurs. Tu as écouté ça, Chaos DI ? Mais j'ai pas encore. Oui, j'ai écouté sur le. Ils ont sorti deux albums, il vient d'en sortir un deuxième là qui bute là. Ça aurait été trop une super affiche avec The Order of Apollyon aussi là. Enfin bref, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on sait que ça se refera de toute façon, puisque le groupe a quand même un public qui les réclame, hein, sur la Paris et région parisienne. J'espère, ouais. Hein, et puis on verra tout ça. Ouais. Est-ce que on parlait tout à l'heure hors antenne de dates avec probablement Gorod. Non, Gorod, on a fait une tournée avec eux en novembre. On a le même tourneur que Gorod, c'est Basse Production là. Qui... Mmh. Et on a fait une tournée en France qui passait par la Suisse aussi avec eux. Bizarrement, parce que moi en fait je connaissais pas les mecs, quoi, tu vois, et leur musique super technique et tout. Et je me suis dit est-ce que ça va être un plateau qui va fonctionner ? Et carrément, l'entente s'est passée. C'est trop cool, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que ça va donner des plans pour l'avenir, pour l'étranger, pour un groupe comme Fans, parce que ça, c'est ouais, aussi intéressant. J'aimerais bien aller au Canada. Ouais. Et, parce que justement, Gorod, il nous parlait, il est parti là-bas, et ils nous ont dit que du bien de leur trip là-bas, et j'aimerais trop, comme on a le même tourneur, tu vois, j'aimerais bien qu'il se passe un truc et qu'on aille jouer pour les Canadiens. Bon, on va essayer d'œuvrer pour ça. Voilà, moi ce que je te propose, c'est même pas je te propose, c'est je t'oblige à écouter Never to Return, tiré donc du dernier album Scornful of Icons. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Never to Return ? C'est ça fait partie des premiers riffs que j'ai écrit pour le disque. Et le texte, carrément, ça parle de quand mon père est mort, voilà. Ok, eh bien, on te salue bien bas. Tu fais mes amitiés au reste de la troupe, bien entendu. On se tient au courant pour les prochaines dates qui pourraient avoir lieu sur Paris Région. Hein. Et puis, on reste en contact maintenant qu'on a renoué. Et puis, si tu passes par Paris, comme ça, en touriste, hein, et que tu veux passer nous faire un petit coucou à la radio, ça sera avec un très, très grand plaisir. Hein. Vous, c'est tous les jeudis soirs, c'est ça ? Tous les jeudis soirs, oui, comme avant. Sauf que là, on a gagné une petite demi-heure. Et puis... voilà, qu'on est heureux, on est libre, on est comme au bon vieux temps des radios libres, sans pub, tu vois, comme à la bonne époque, quoi. Donc il y a pas de. Ouais, c'est cool. Voilà. En tout cas, merci les gars de m'avoir appelé. Et, de rien. J'espère qu'on se verra bientôt. Ouais. J'espère 100 aussi. 100 balles à Mars et puis le reste, t'en fais ce que tu veux. Allez, on écoute Never to Return tiré de Scornful of Icons, sorti chez Osmose Productions le 25 mars 2016. Je sais, on vous en parle un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Ou vieux motard que jamais. En tout cas, c'est Phasme, c'est très bon, c'est français et ça fait des trous dans la tête. Musique, c'est parti. Avoiding this cold air. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show jusqu'à 21h30 pour la France, mais jusqu'à 15h30 pour le Canada et puis les pays où vous serez sur le même méridien que le Canada. Voilà. Hein, même méridien. Oui, méridien. Méridien. Méridien, c'est. Ah oui, c'est ce qui donne les fuseaux horaires. Tu comprends ça? Ah non, mais t'as pas été à l'école, c'est vrai, j'avais oublié. J'étais sur les autres, moi. les parallèles. Parallèles, les méridiens, bien entendu. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Lurking, avec sa charmante chanteuse. Ils seront en concert, ils auront deux concerts là au mois de mai. Un le 9, c'est-à-dire bientôt. Mardi. Mardi, bien, bien. Ben, c'est pour voir si tu suis aussi. Hein. Ce sera au Candy Shop, c'est 12 rue Saint-Maur à Paris, avec Needle Sharp et Cortex. Et ils seront également en concert le 13 mai à Paris au Dr. Feelgood avec Kera. Je suppose que au Dr. Feelgood, ça va être pour présenter leur nouvel album, je pense. Voilà, donc c'est eux que vous entendez, ça s'appelle Lurking. Avant ça, on a écouté Ascent juste après Phasm, on a écouté Ascent. Pourquoi on vous a passé Ascent aussi également parce qu'ils seront en concert, mon cher Tom. Et c'est tiré de leur EP We Are The New Black. Et le titre que je vous ai proposé d'écouter, c'était A Part Of Me. C'est sorti le 31 mars 2017 chez Do It. On les avait reçus à l'occasion de la sortie de... Oh, on les a reçus le mois dernier, hein. Non, pas le mois dernier, SN. Bah non, c'est au début d'année, en janvier qu'on les a reçus. C'est si loin que ça? Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça passe très vite, on est en mai. T'es sûr que... Ah non, non, ou c'est mars sûr. Alors mais... non, ouais, on a dû les recevoir en mars, ouais, certainement. Tout ça, début mais mai. Mais peut-être, bah, non, je pense que c'était en février qu'on a dû les recevoir. On vérifiera. Hein, on vérifierait ça. Donc c'était leur premier EP, le groupe s'est formé en 2015. Ils sont en concert le 25 ou le 26? Le 26 ou le 27 mai? Je sais pas. En tout cas, c'est sur un festival qui a lieu le 26 et le 27 mai. Et c'est la seconde édition. Je ne connaissais pas ce festival. Always Friends Festival. Si l'année dernière, ils avaient joué avec Conscience. Oui, ils avaient joué avec. C'est au Studio Campus. Ouais, c'est ça, je crois. Enfin, hein. L'année dernière, c'était au Studio Campus. Ouais, ouais. En tout cas, là, il y aura The Long Escape, Monolith, il y aura Ascent, Burning the Drama, The Desperate Sons, Cryptide, il y aura également Molly Baron et Faraway. Les tarifs, c'est de 6€ en pré-vente. Et les deux jours, ce sera 10€ en pré-vente. Sinon, le jour du concert, donc sur place, ça sera 9 et 13€ pour les deux jours. Ça sera 12 bis rue Froment, donc effectivement, c'est au Studio Campus, mon cher Tom, tu avais deviné, dans le 11e. Le métro, c'est Bastille, Breguet, Sabin, Voltaire. Voilà, vous savez tout maintenant où jouera Ascent. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah, on a quitté Pyrrhic, hein. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un petit aparté sur Osmose. Je pensais vraiment que le label avait disparu, mais je me suis aperçu que le label existait toujours parce que j'avais vu des quelques petites choses qui sortaient chez Osmose. Alors pourquoi j'ai cru tout ça? Tout simplement, je l'ai expliqué un petit peu, mais également le fait de recevoir tellement de matériel dématérialisé aujourd'hui, la boîte elle explose. Hein. Donc de toute façon, j'ai pas été chercher non plus trop à avoir de nouveaux labels pour nous envoyer à nouveau des liens pour pouvoir passer la musique, puisque on est vraiment submergé. Et c'est pour ça qu'on a repris, vous avez dû le remarquer, l'émission hebdomadaire. Et non plus une fois tous les 15 jours. Mais vous inquiétez pas, on va repartir en vacances, hein. On va vous laisser, hein, parce qu'on a besoin de vacances. Déjà dans 15 jours on n'est pas là. Dans 15 jours on sera pas là. Enfin, 15 jours ou 3 semaines, enfin, ouais, mais le 20, 25 mai. Mais ce sera peut-être une émission quand même nouvelle. On verra, hein. Là faut négocier, hein. Enregistrer, ça coûte cher, très cher. Ouais, je sais bien, je sais bien. Allez, on va continuer dans les concerts et dans le brutal, là, puisqu'on va partir avec Napalm Death, tiré de leur album Apex Predator Easy Meat, qui était sorti le 23 janvier 2015 chez Nuclear Blast. C'est pas tout jeune. Non, c'est pas tout jeune, mais... comme le groupe, hein, 82. Oui, oui, oui, un vieux groupe de Grindess. Bah, c'est un festival un petit peu Grindess, enfin, quatre groupes un petit peu Grindess. Ils nous viennent d'Angleterre, de Birmingham exactement. Et ce sera au Métallurgie Festival le 13 mai à Paris, au Glazart, avec Brugeria, Lockup et Power Trip. Donc après Napalm Death, on enchaînera justement sur Brugeria, le groupe mexicain qui vient de la ville de Mexico, tiré de leur album Poco Aztlan, qui était sorti lui le 16... il est plus récent, le 16 septembre 2016. Le titre que je vous propose de découvrir s'appelle No Acceptan Intactiones. Je sais, je parle pas tellement bien les Mexicanos, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est encore du Death Grind. Le groupe s'est formé en 1989, et puis voilà. Hein. On enchaînera ensuite avec Slagmore, un album fourni par Osmose Productions. Le groupe a sorti son nouvel album qui s'appelle Phil Smith Terror le 31 mars 2017. Donc c'est tout récent. Alors, Oui, c'est du norvégien. C'est du norvégien, donc... Yavai, Eskerdet, Landet. Voilà, ça c'était le titre du morceau. Je sais pas si ça... C'est Yavai. Si, je pense que c'est Yavai. Yavai. C'est un peu comme... ça se rapproche de l'allemand, enfin c'est du Schnorr. D'accord, ok. C'est Javi, mais c'est Yavai. D'accord. Yavai Scared Landet. Très bien. C'est le quatrième album du groupe. À quelque chose près, ça se dit comme ça. Il contient 8 titres. C'est un trio norvégien de black avant-gardiste. Et le groupe s'est formé en 1997. Bah, c'est quand même des feignasses, hein, parce qu'ils ont sorti 4 albums. Hein. Yavai. Voilà. si tu vailles, vaille que vaille, je dirais, mon cher Tom. Nous écoutons donc cette musique. Nous vous donnons le numéro de téléphone. 06 80 01 28 34. Alors, on a eu quelques photos qui sont arrivées. On a eu des doigts. C'est de la faute mais de Tom. Il n'y a pas que les doigts. Il y a les doigts de main, mais les doigts de pied aussi. Ah, c'est pas faux. Tiens, voilà. Tiens, si vous arrivez à nous faire le signe du métal avec vos doigts de pied, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On offre un... On offre quoi? On offre Tom pour une nuit. un bain de pied. C'est bien ça. Un bain de pied dans le whisky. Après, vous pourrez boire. Nous, on ne boira pas, mais vous pourrez boire. Ça te va, ça? Ouais, si tu veux. Hein, un bain de pied dans le whisky. J'offre la bouteille, par contre. Hein. Allez, musique, c'est parti avec Napalm Death. Retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Roquefort Show, douce mélodie de Riverside qui seront en concert. Ah putain, qu'est-ce que ça fait du bien, excusez-moi, j'ai juré. Mais... Ah, c'est vrai que ça fait du bien après Slangmore. Maintenant, j'espère que vous savez parler norvégien hein, par contre, hein, parce que là, hein, j'espère que... Vous pouvez nous donner aussi vos avis hein, par rapport à ce que... Par rapport à ce que vous entendez, ce qu'on vous diffuse, vous pouvez nous envoyer vos avis par SMS ou sur le Facebook de la radio. Vous pouvez, hein. Sinon, par SMS, c'est quoi, Tom, par SMS ? 06 81 01 28 34. Voilà, donc nous avons écouté Napalm Death, Brugeria, et nous avons fini avec Slangmore. Riverside, donc je viens de vous en parler, ils seront au Divan du Monde le 17 mai. Et maintenant, nous allons continuer avec retrouver nos petits Français avec Comity qui nous sort un nouvel album. C'est le quatrième album du groupe. Il fait 8 titres. Il est sorti hier chez Throat Runner Records. Alors, tu sais ce que ça veut dire, Throat Runner? Il s'est ruiné la voix, ça veut dire. Il s'est ruiné la gorge. Je connaissais Gorge Profonde. Ben là, c'est Throat Runner. Bon, ok, d'accord. C'était Deep Throat, Gorge Profonde. Ah ouais, Deep Throat. Ah, tu connais, t'as vu ce film? Non, non. Ah, c'est un peu comme les dents de ta mère. Toi, t'es con, toi. Sauf qu'on lui bouffait des bateaux, il bouffe. Bon, je peux pas vous le dire. Committee, donc, on écoutera un titre de A Long Eternal Fall. Et ce sera le deuxième titre de cet album qui s'appelle 2, tout simplement. Parce que tous les titres s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puisque ça s'arrête à 8, logique. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ils font du hardcore noise. Et le groupe s'est formé en 1996 et ils seront surtout en concert le 20 mai à Paris au Gibus Live. Ils seront pas tout seuls, ils seront avec d'autres groupes, mais vous allez chercher vous-même, hein, parce qu'on en a marre de vous mâcher. À moins que Tom. Non, il n'a pas. Donc voilà, on en a marre de vous mâcher. Non, mais je suis sur des plans. Là, il est en train de faire un plan sur la comète, donc voilà. Nous enchaînons avec Gutscrapers qui nous a sorti un tout nouvel album, ça sort demain et ça s'appelle Getting Through et le titre que je vous propose c'est Feng Fu. Alors hier il y avait Kung Fu puisqu'il y avait Bruce Lee à la télé dans La Fureur de Vaincre et Le Jeu de la Mort et là c'est Feng Fu. Voilà donc Feng Fu de Gutscrapper, vous allez voir c'est pas mal, ça sort chez Do It. Je crois que le dernier album était chez Brainus Records, là c'est leur deuxième album et c'est un quintet de Nîmes formé en 2008 et ces petits Nîmois ils sont malins, quand je vous parlais de la tournée des Scorpions, les tournées d'adieu, eh bien ils seront en concert le 17 juillet aux arènes de Nîmes avec justement Gutscrapper, les Scorpions. Et donc Gutscrapper sera bien évidemment en première partie et non pas Scorpion en première partie de Gutscrapper. Quoique ça pourrait aussi. Nous enchaînons ensuite avec Elker qui vient de nous sortir, enfin qui nous sortira son nouvel album demain chez AFM qui s'appelle Fire Soul. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Fight. C'est le cinquième album du groupe, il fait 12 titres plus de bonus. C'est un quintet de power metal formé en 1998. Ils nous viennent d'Argentine, de Buenos Aires. Hein, c'est bien, Buenos Aires. Yes, yes. Un coup à Buenos, le lendemain à Aires, tu vois. On y va quand? C'est un peu comme un jour à Gianni. On y va quand? On y va quand? À Rio, et puis le lendemain à De Janeiro. On y va quand? Bah, quand tu veux, disons que c'est toi qui payes. Moi, j'y vais quand tu veux. Tu me dis. Putain, mais on me demande toujours de payer, merde. Ah ouais, non, mais moi, attends. Plus de thunes. Hein. Fini, terminé. J'ai été ruiné, là. Donc maintenant, plus de thunes. D'ailleurs, ce soir, je mange les épluchures des pommes de terre que j'ai épluchées hier. D'ailleurs, au passage, on salue David. Oui, on salue David qui nous a fait son grand retour en nous envoyant une belle photo de doigts. Hein, c'est bien. Hein. Il n'a pas envoyé les doigts de pied. Non, il a envoyé les doigts des mains. Mais voilà, c'est une belle photo. On était content de le retrouver également derrière son casque, derrière son ordinateur pour nous écouter. Donc, on vous laisse en musique. On vous rappelle avec Committee, suivi de Gutscrapper. Et on terminera avec Elker. On se retrouve tout de suite après. Vous pouvez toujours nous envoyer vos photos de parties de votre corps ou de corps de votre jeune ou vieille compagne. Ça nous intéresse aussi. Au 06 81 01 28 34. Musique, c'est parti. We'll be right back. Et de retour au son de Adrénaline. Vas-y, vas-y. En fond sonore sur le Rock Fort Show jusqu'à 21h30, c'est-à-dire encore dans un petit quart d'heure, à passer avec vous en votre compagnie. Donc, nous avons terminé avec les Argentins de Elker. Juste avant eux, il y avait les Français de Gutscraper et les autres Français de Committee. Adrenaline Mob, on vous le rappelle, c'était le groupe où il y avait Edgy Perro, le batteur, ex-batteur de Twisted Sister, qui est décédé l'année dernière, je crois. L'album est sorti le 28 avril 2017, on vous en passera certainement la semaine prochaine. Il s'appelle We The People, c'est le troisième album du groupe et il contient 13 titres. Nous allons continuer en live, nous allons terminer tout ça en live avec The Dead Daisies qui nous sort un nouvel album qui s'appelle Live and Louder. Le titre que je vous propose c'est Long Way To Go, ça sort chez Spitfire Music, pour le plus gros label SPV. Ça sort le 17 mai 2017. C'est le troisième album studio. Qu'est-ce que je raconte, moi ? C'est en studio, ça ? Non ? C'est le troisième. Il y a eu trois albums en studio et ça, c'est l'album live. C'est le premier. Voilà, c'est ça. Il y a eu trois albums studio et ça, c'est le premier album live du groupe. Et il contient 16 titres. C'est un quintet de hard rock formé en 2012 avec des pointures derrière. Et ils nous viennent d'Australie, Sydney. Enfin, bon, bref. Voilà. Et pour finir ? Et pour finir, ce sera Fate's Warning, tiré de leur album Awaken the Guardian, en live bien évidemment, puisque l'album est joué en intégralité. Ce soir, on vous passera seulement le titre Valley of the Dolls, en live, sorti chez Metal Blade le 28 avril 2017. C'est tiré d'un live at Keep It True 19. Le groupe est américain, bien entendu. Ils nous font du heavy prog. Ils se sont formés en 1982. Et c'est bon, et c'est bon, mais c'est bon. Et on en retrouvera la semaine prochaine, alors, du coup, du live. Parce qu'on avait d'autres lives à passer, ouais, qu'on pourra pas passer ce soir. Non. Voilà. Donc, on peut se dire au revoir là. Parce là maintenant. Ouais, parce qu'on va. Donc, on, vous, j'espère on que vous avez. Après, c'est coupé ou. J'espère que vous avez aimé Phasm. Parce qu'au Québec, là-bas, Radio Québec, c'est une dictature. Ouais, je sais. J'espère que vous avez aimé Phasm. Donc, on va se quitter là ce soir avec deux groupes en live. Mon cher Tom, la semaine prochaine, même lieu, même heure. Je suis pas là, j'ai piscine. Bon, d'accord, je viendrai tout seul. Tu me laisses les clés. Tu laisses à bouffer aussi dans le frigo. Et on se retrouve donc, même lieu, même heure, 19h30, 21h30 pour la France, 13h30, 14h30, 15h30 pour le reste du monde. Et Tabernacle, on se dit à la semaine prochaine. C'était rock. C'était fort. C'était chaud, c'était le rock fort. Show. Merci Tom, j'adore quand tu suis. Peut-être que la semaine prochaine il y aura une surprise. Peut-être qu'il y aura Jen qui fera son retour. Non, on sait rien, on peut pas prévoir. Ah, lol. Allez, on vous laisse avec du live, avec les Dead Daisies et Fate's Warning. Bye bye.